Les chasseurs de nazis. Chapitre 4. Des agents en Argentine. Quatrième épisode. Le fugitif tend un document de voyage de la Croix-Rouge internationale, une autorisation de débarquement et un visa d'entrée. Helmut Gregor, 1m74, vieux brun vert, né le 6 août 1911 à Terminau, ou Tramin en allemand, commune du sud Tyrol, citoyen allemand de nationalité italienne, catholique, profession mécanicien. Adresse à Buenos Aires, 2460 rue Arenales, quartier de Florida, chez Gérard Malbranque. Le douanier inspecte ses bagages, les vêtements méticuleusement pliés, le portrait d'une femme blonde délicate, des livres et quelques disques d'opéra, puis grimace en découvrant le contenu de la plus petite valise. Des seringues hypodermiques, des cahiers de notes et de schémas anatomiques, des échantillons de sang, des plaquettes de cellules. Étrange pour un mécanicien. Joseph Mengele, personnage de roman. Le médecin tortionnaire d'Auschwitz est le sujet principal du récit d'Olivier Guèze, dont vous venez d'écouter un extrait. Un récit traduit en 26 langues et couronné par le prix Renaudot. L'année dernière ou l'année d'avant, Bettina Stangnetz a écrit un livre qui s'appelle Eichmann avant Jérusalem. Donc elle part sur les traces de celui qui s'appelle Ricardo Clement à Buenos Aires. Vous, quand vous écrivez la disparition de Mengele, est-ce que vous partez, vous, à la recherche de Mengele, c'est-à-dire après Mengele, donc... L'ange de la mort. Helmut Gregor, en fait. Oui, je commence par Helmut Gregor, en tout cas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de... D'abord, c'est de savoir pourquoi, finalement, ce criminel, qui fait partie des rares criminels dont on connaît encore le nom aujourd'hui, pourquoi cet homme n'a jamais été arrêté, pourquoi il n'a jamais été jugé. Ça, c'est la première chose. C'est comme un roman policier, quelque part, c'est une traque. Et puis, deuxièmement, une question un peu plus mais métaphysique, c'est lorsqu'on a été Mengele à Auschwitz, lorsqu'on a conduit 400 000 personnes à la chambre à gaz, lorsqu'on a torturé des enfants, des femmes enceintes, etc., qu'est-ce que la vie vous réserve? Est-ce que la vie vous punit ou pas? Et comment vit-on après avoir été Mengele à Auschwitz? Joseph Mengele, personnage de roman, disais-je, également chez l'auteur américaine Affinity K, intitulé Mischling, traduction sans mêlée. Elle y décrit le destin de deux sœurs jumelles de 12 ans, aux prises avec le docteur Mengele, lui ou ses 19 pseudonymes. Joseph Mengele. Ce même Mengele qui deviendrait, tout au long de ses années passées à se terrer, Helmut Gregor. G. Helmut. Fritz Ullmann. Fritz Ullmann. José Mengele. Peter Hochbickler. Ernst Sebastian Alves. José Aspiazzi. Lars Baltröm. Friedrich Edler von Breitenbach. Fritz Fischer. Karl Koiske. Ludwig Gregor. Stanislaus Prosky. Fausto Rindon. Fausto Rondon. Gregor Schlacastro. Heinz Stobert. Et le docteur Enrique Follmann. C'était un personnage intimidant aux bottes d'un noir éclatant et aux cheveux bruns tout aussi reluisants. Ses manches étaient si amples que lorsqu'il levait un bras, le tissu qui pendait au-dessous flottait en ondulant, masquant du même coup une portion excessive de ciel. Son élégance de vedette de cinéma le portait à adopter un comportement théâtral. Des expressions de bienveillance campaient sur son visage le plus naturellement du monde, comme s'il tenait à convaincre les gens alentour qu'il avait les meilleures intentions du monde. L'historien spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot, revient sur la fuite réussie de Joseph Mengele. Il y a de multiples réseaux qui l'ont aidé, les réseaux des services secrets allemands et les réseaux péronistes en Amérique latine. Juan Perón, dans sa lutte contre le communisme, attribue plusieurs dizaines de milliers de visas à d'anciens criminels de guerre et d'anciens criminels contre l'humanité qui sont accueillis en Argentine à bras ouverts parce qu'ils peuvent armer le pays, au sens où on arme un bateau, hein, pour cette croisée contre le communisme. Mengele, sa famille est une grande famille industrielle. La famille de Mengele n'est pas responsable, ni comptable, ni coupable de ses crimes. Elle aide le fils Joseph, hein, qui est un des fils prodigues de la famille, parce que brillant étudiant, brillant médecin, qui voulait faire carrière, une carrière universitaire, qui n'a pas pu le faire et qui a dû partir donc en exil. Et la famille de Mengele n'est qu'un des réseaux d'aide à sa fuite et à sa cache en Amérique latine. L'une des choses qui m'a le plus frappé en travaillant sur Mengele, c'est le soutien indéfectible de sa famille. La famille Mengele était une famille très prospère donc, de cette petite ville de Günzburg, dans le nord de la Bavière. C'est le père de Mengele qui a fondé l'entreprise, qui était importante avant-guerre et qui va devenir assez colossale après-guerre. Il fabrique des machines agricoles, notamment, et Mengele va constamment recevoir pendant 30 ans des sommes assez importantes d'argent. Alors c'est tout un système extrêmement complexe de boîtes postales, il y a aussi un commis, je l'appelle le commis du diable dans le livre, un homme qui s'appelle Zedelmeyer, qui est un ami d'enfance de Mengele, qui travaille dans l'entreprise et qui fait des allers-retours pendant 30 ans entre l'Allemagne, entre la Bavière et l'Amérique du Sud, partout où Mengele se trouve. Non seulement il y a un soutien financier, mais il y a aussi un silence, c'est-à-dire que les Mengele nient systématiquement avoir la moindre relation avec Mengele, Joseph, et même après sa mort, personne ne dira rien, y compris le fils, qui est un profil différent du reste de la famille, qui est torturé par le passé de son père, mais voilà, qui a un rôle ambigu, c'est-à-dire qu'il ne dit rien pendant que son père est vivant, mais il ne dit rien non plus après, soi-disant pour protéger les gens qui avaient aidé son père. Il n'empêche que la première chose qu'il fait lorsque son père décède, c'est de courir au Brésil, rassembler ses effets et les ramener dans l'espoir que finalement, on ne trouvera jamais sa dépouille, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Voilà qui sont les Mengele. Le fils vit toujours, les neveux aussi. Donc le fils, c'est Rolf Mengele, ouais. Mais qui a pris le nom de famille de sa femme. Oui, je le comprends. Enfin, qui ne l'aurait pas fait Il en a souffert pendant très longtemps. C'est compliqué d'être Rolf Mengele. Quoi qu'il eût fait, finalement, il était coincé. Donc, effectivement, il a pris le nom de sa femme. Il est avocat à Munich. Un mot quand même aussi, à nouveau, sur ce pseudo de Mengele, Gregor, qui nous rappelle Gregor Zamza, le héros de la métamorphose de Kafka. Alors, c'est drôle parce que je n'ai pas tout de suite fait le lien, en fait. Mais par contre, j'avais inconsciemment, lorsque je fais le lien, j'avais déjà écrit cette scène qui est au tout début du livre où un cafard jaillit d'une bouche d'aération un jour où Mengele est malade. Et effectivement, c'est étonnant. Mengele ne pouvait pas connaître le texte de Kafka, la métamorphose. Kafka raconte l'histoire d'un homme qui se transforme en cafard et l'histoire de Mengele, c'est ça, quelque part. C'est un homme qui commet des meurtres absolument abjects et qui, pour ne pas être attrapé, est obligé de vivre comme un cafard. Effectivement, après, dans le livre, il développe une passion pour les blattes aussi. Mais tout ça a été fait inconsciemment. C'est assez étrange. Toujours est-il que Mengele, je l'ai effectivement associé dès le départ à un cafard. Il y a une page importante dans le roman. C'est qu'il y aurait pu y avoir un vol El Al, Buenos Aires, Jérusalem, avec côte à côte Eichmann et Mengele. Non seulement ça aurait été pas mal, mais en plus, les deux hommes se détestaient. Donc, les imaginer côte à côte, dans un vol en direction d'Israël, les deux drogués, en plus déguisés, puisque Eichmann était déguisé en personnel de bord d'El Al, ça aurait été pas mal. Mais Mengele est beaucoup plus malin qu'Eichmann. Mengele a une espèce d'instinct de serpent, et le Mossad reste 10 jours après l'enlèvement d'Eichmann. Évidemment pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire ils se font un petit peu oublier, mais aussi et surtout parce que le Mossad veut mettre la main sur Mengele au même moment. Mais Mengele est déjà au Paraguay. À demain pour la suite des chasseurs de nazis. Une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.